Chapitre 20e, la Trinité. En arrivant à Aix, je demande à Michou. Tu montes le Mirab, tu me laisses au palais. Je vais voir le juge et je redescendrai à pied. La tête blanche du juge se détache dans les ténèbres de son bureau. Il se jette en arrière de son fauteuil basculant. Alors, Volpi, où en êtes-vous? Je lui raconte ma nuit d'éveil et d'angoisse et ma journée d'enquête. Vernieux rôde autour de moi comme un serpent. J'ai envie de lui écraser la tête comme si c'était un cafard. Votre Dodge est toujours dans la nature. C'est tout de même phénoménal qu'on n'ait pas réussi à mettre la main dessus. Vous savez à quoi j'ai pensé, monsieur le juge? Je sais, c'est idiot, mais ça m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ce vieil handicapé dans le bar. Vous savez, les traces que j'ai relevées chez moi, elles pourraient bien être des empreintes de béquilles. En tout cas, on aurait dit qu'on avait enfoncé le bout d'un bâton dans la terre. Vous pensez à un estropié? C'est vrai que lorsqu'on marche sur des béquilles, ça ne fait pratiquement pas de bruit. Sauf si on laisse traîner une patte, ce qui pourrait correspondre au frottement que votre ami a entendu. Mais quel est le bancal qui pourrait vous en vouloir? Je ne sais pas. J'ai la solution dans la tête, je le sais, mais je n'arrive pas à en prendre conscience. En tout cas, la Gilda a dit que Vernieux était quelquefois accompagné d'un gars qui ressemblait à Quasimodo. Il est possible que Vernieux fasse faire ses coups durs par une brute, surtout depuis qu'il est recherché. Je me lève et vais me planter devant la vitrine du bureau. Le juge ne dit rien. Il se balance d'avant en arrière. Tempête sous deux crânes, voilà comment intituler cette scène, au risque d'offenser la mémoire de Victor Hugo. Le silence dure bien 5 bonnes minutes, pendant lesquelles chacun de nous se livre à ses tics favoris. Le juge mange sa moustache, joue du tambour avec son coupe-papier, moi je me recoiffe, essuie mes lunettes. Tout à coup, je vais me rasseoir en face du juge. Je vais ouvrir la bouche quand le juge me lance. « Comment il doit être maintenant, Mertens, s'il est toujours vivant ?» Je souris. C'est justement la question que je me posais. Il est peut-être handicapé, justement, et il doit ressembler à Quasimodo, avec ce qu'il a pris sur la tête. Mais c'est tout de même bizarre que ces deux hommes se fréquentent. N'oublie pas que Vernieux a essayé de tuer Mertens, a été condamné pour ça. Admettons que ce soit Mertens qui ait liquidé Guelmar, par vengeance. Oui, mais s'il était clopé, comment fait-il pour descendre dans le ravin pour buter Guelmar d'un coup de pétard? Vous ne croyez pas plutôt, monsieur le juge, que c'est Vernieux qui a tué Guelmar pour lui éviter d'avoir à rembourser ses dettes. Il aurait finalement réussi à trouver votre canien, à vous piquer le dodge, le pistolet et à faire son coup. Dans ce cas, fais-je, pourquoi a-t-il continué à me filer et a-t-il tenté de m'assassiner? Il lui suffisait de me couper le cou dans mon sommeil et de flinguer Guelmar n'importe quand. 15-0, fait le juge. Vous marquez le point, mais... Le téléphone du juge retentit. Oui, c'est vous, Michaud. Bonsoir. Il est là, oui. Allez-y, je vous écoute. Le juge raccroche. Toujours rien pour Mertens. Vous voyez, Volpi, nous sommes autour de la vérité et on va finir par lui tordre le cou à cette affaire. Bon, écoutez, je mets des hommes en planque chez Gilda et on attend que les loups sortent du bois. Réfléchissez, nous ne sommes pas loin de la solution. Mertens, Vernieux, voilà les ingrédients. Il ne reste plus qu'à faire la recette. Dans tous les cas, les mobiles sont clairs. Il faut trouver la clé et préciser le modus operandi. Il y a quand même quelque chose qui nous échappe. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, mais à force d'émettre des hypothèses, on va finir par tomber sur la bonne. Vous m'appelez à n'importe quelle heure. Le juge se lève et me tend la main avec un franc sourire. En redescendant le cours Mirabeau, j'ai l'impression que la solution se cache dans le visage de chaque passant que je croise. Je sais, je sens que la résolution de l'enquête me crève les yeux, mais pour l'instant, je n'arrive pas à décrypter l'énigme que j'ai sous les yeux. Arrivé presque en bas du cours, je m'entends hêler. « Hé, Gino !» J'aperçois Sylvia qui me fait un signe à la terrasse de la Régence. « Qu'est-ce que je t'offre, Bello ?»« Allez, tiens, un Glenlivet avec des glaçons. »« Michaud m'a dit que tu étais chez le juge. Ça s'est bien passé cette fois ?»« Oui, nous avons mis les choses au clair. Il y a maintenant un bon climat de confiance entre nous. »« Ne tardons pas trop, parce que j'ai hâte d'être à la maison pour pouvoir réfléchir au calme. » Et tout à coup, en regardant Sylvia, le visage et le corps de Gilda refont surface dans mon esprit. Après un repas léger, je fumaille, assis sur le seuil de la ferme tout en laissant vagabonder mon esprit. Au bout d'un moment, je me mets à parler tout haut. D'un côté, il y a le Dodge, d'un autre, il y a Vernieux. Enfin, il y a Mertens. Qu'est-ce que je fais avec ces trois éléments pour expliquer comment et qui a poussé une bagnole dans le ravin et loger une balle dans la tête de Guelmar? Pour expliquer mon dire, j'ai réparti 3 gros cailloux par terre à mes pieds. « C'est simple, » me dit Sylvia, qui a dû tout entendre. Elle se lève et empile les 3 cailloux. « Tu les mets ensemble ?»« Tu m'as dit que Vernu avait été vu avec un type qui pourrait bien être Mertens. Ils se connaissent, ce sont eux qui détiennent ton camion et qui ont tué Gelmar. Ensemble, capisci ?»« Si, capisco. » »« Alors ce serait Vernu qui serait descendu dans le ravin donner le coup de pétard à Gelmar ?»« Eh oui, pourquoi pas ?» Et pourquoi Mertens aurait-il participé? Vaste bonne blague, pour se venger de Gelmar, tiens. Non, il est impossible que Mertens fraye avec Vernieux. Et si ton Vernieux ne sait pas qu'il s'agit de Mertens? S'il a la gueule tellement bouillie qu'il est méconnaissable. Il l'est peut-être connu sous un faux nom, pourquoi pas? Enfin, je ne comprends pas tout ce cinéma. Pourquoi Mertens n'a-t-il pas buté Gelmar et Vernieux en même temps? Écoute, il faut d'abord que tu sois sûr que le gars... vu avec Vernieux et bien Mertens. Après, il faut que tu lui mettes la main dessus. Ensuite, tu auras toujours le temps de le cuisiner et d'aviser. Bien, chef. Tu n'es pas prof de maths pour rien, mon trésor, lui dis-je. Soudain, je lance un des 3 cailloux dans l'allée. Le trésor, putain, le trésor! Quel con! Me mets-je à crier. Quel trésor? Mais tu dis fada ou quoi? Le trésor public! Oui, et alors? Bah, si c'est vraiment Mertens, je suis presque sûr qu'il a dû avoir une pension de l'État. Puisque ces blessures ont été considérées comme blessures de guerre par l'armée. Il faut qu'on se renseigne auprès de la trésorerie principale. Il doit bien avoir donné une adresse ici ou ailleurs pour toucher sa pension. Eh, ce n'est pas bête ton idée. Et encore une fois, grâce à qui? Si tu ne m'avais pas appelé trésor, hein ?